Dieu ne verrait pas au-dessus de tout. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Avalis, amen. Avalis, amen. Avalis, amen. Amen. Amen. Avalis, awa. Ela mara biso. Avalis, awa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Mokote ako kamina yo, mokote ako kamina yo, mokote ako kamina yo, Yahweh, mokote ako kamina yo, mokote. Mokote, mokote, ako kanina yo, mokote, ako kanina yo, ako na Mungu kama wewe, ako na Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna. Mosive te fwa nanange, mosive te fwa nanange, mosive te fwa nanange, Yahweh, mosive te fwa nanange, mosive. Mosive, mosive, mosive, il n'y a point de Dieu comme ceci. Il n'y a point de Dieu comme un Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point